Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Mparni kuyoku koyanga, ngana kebeko, anankite nyumai. Mparni kuyoku koyanga, ngana kebeko, anankite nyumai. Montrez-moi où est l'enveloppe. Omglopu makaechi rohu, kenkoinga. Omglopu makaechi rohu, kenkoinga. Montrez-moi où est la clé. Harlemen koinga. Harlemen koinga. Montrez-moi où est le rasoir. Lamisetin koinga. Lamisetin koinga. Montrez-moi où est le verre. Kopun koinga. Kopun koinga. Montrez-moi où est le crayon. Biki masahanjiho kenkoinga. Biki masahanjiho kenkoinga. Montrez-moi où est le téléphone. Téléphone koinga. Téléphone koinga. Montrez-moi où est la montre. Mantoron koinga. Mantoron koinga. Montrez-moi où sont les ciseaux. Kutundihon koinga. Kutundihon koinga. Montrez-moi où est le peigne. Sentare koinga. Sentare koinga. Montrez-moi où sont les lunettes. Yarandungaron koinga. Yarandungaron koinga.